Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces, douces, douces. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Cabelo Bonux, nouvelle formule qui lave plus blanc que blanc. Je suis Etcha, votre hôte, pour ce numéro consacré aux objets quotidiens. Et je suis accompagné de Mikado Twix. Salut Mikado Twix, comment vas-tu ? Salut Etcha, je suis super content de faire un cadeau Bonux à tes côtés. Eh bien écoute, moi je te propose de faire un petit briefing. Comment va se dérouler cette émission ? C'est une petite discussion entre nous, avec des souvenirs d'objets du quotidien qui ont marqué les années qui nous sont chères, évidemment les années 80. On peut peut-être parler des partenariats avec lesquels nous sommes. Évidemment que c'est plus qu'un partenariat, parce que c'est vraiment une collaboration plus qu'amicale avec Eric Bouvet, qui fait vraiment de magnifiques illustrations. Hein. On a en tête là, le Evil Dead qui nous a fait, Running Man et consorts. Et puis, n'oublions pas de citer Génération 80s, qui vraiment relaie toutes nos émissions. Et encore une fois, un grand, grand merci à eux. Alors après cette petite intro sonore, nous allons donc partir sur l'émission avec quatre parties. Une première partie qui va parler des objets de la voiture, une deuxième partie des objets plutôt de la maison, ceux qui sont ensuite en troisième partie attachés à l'école, et enfin en quatrième partie, les pires objets du quotidien. Les pires objets. Ceux vraiment qui, bon, voilà, ça va pas, quoi. Il y a des trucs qui grattent d'avance, quoi, non ? Exactement. Adieu, monde cruel. C'est bon ? C'est trop dur pour moi. Ah, regardez ! C'est un nouvel Renault ! Super sang ! Super 5, plus 5 que la 5. Alors, les objets de la voiture. Après cette petite publicité, Mikado Twix, pourrais-tu nous parler de la fameuse Super 5 qui a remplacé la non moins célèbre R5 ? Eh bien, écoute, moi, la Super 5, c'est le véhicule des 80s. Surtout que j'ai un affect vraiment particulier parce que faut savoir que c'est le tout premier véhicule, on disait caisse à l'époque, que j'ai acheté avec mes petites économies. Hein, donc, j'étais super content. Et à ma connaissance, il existait deux modèles de Super 5. Il y avait le modèle bas de gamme et le modèle très bas de gamme. je pense que je ne suis pas un fin connaisseur en voiture, mais je pense que c'est celui que j'ai eu parce que c'était le modèle 5. Est-ce que tu te souviens, tu sais, de cette voiture avec ce bleu marine, boîte 4 vitesses, 3 portes, évidemment sans appui-tête, et qui roulait à la vitesse folle sur le compteur de 180 km. Mm-hmm. Bon, sache qu'en vrai, si j'allais à 110, c'était le top. Mais sincèrement, c'est un véhicule que j'ai gardé très, très, très longtemps, et qui était, je trouve, vraiment increvable, qui se réparait très facilement, et qui malheureusement, la seule chose qui a eu raison d'elle, c'est tout bêtement le contrôle technique, parce que au bout d'un moment, il y avait des frais, mais elle polluait tout ça, mais elle marchait vraiment très très bien. D'accord, mais bon, pour la petite anecdote, il faut savoir que la Super 5 a été produite par Renault de 84 à 96, et c'est la voiture même qui a été la plus vendue en France de 1986 à 1989, devant sa principale rivale, je te le donne dans le mille. À la 205. Voilà, Sirf, si tu nous écoutes. Évidemment, Sirf, si tu nous écoutes. Petite pensée. Bon, la voiture, C'est bien, c'est une bonne chose, mais Oui. il fallait peut-être un petit peu l'équiper. Il y avait pas mal d'accessoires, je pense, pour ces véhicules à cette époque. Alors, on peut, je pense, partir déjà sur. C'était plus qu'un accessoire, c'était obligatoire. C'était équipé en série. Ce sont les fameux phares jaunes. Je ne sais, voilà, c'est une. Alors, c'est vraiment une spécificité française. Ça a été décidé. Ça a été obligatoire dès le 1er janvier 1939, hein, donc c'est pas tout récent. Et ça a été modifié ensuite au 1er janvier 1993, où le blanc est devenu obligatoire. Alors, pour la petite anecdote, ils ont choisi du jaune parce que le jaune éblouit moins et la couleur jaune est également moins diffusée par les particules de brouillard. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient décidé, les ingénieurs de l'époque, d'opter pour la couleur jaune des phares. Et on est d'accord Mais pour dire que ça éclaire vachement moins le jaune, non? ben, par contre, oui, on avait l'impression quand même d'être moins éclairé. C'est peut-être aussi pour ça que ça éblouissait moins. Mais bon, voilà, il y a eu un choix qui a été fait comme ça. Et du coup, alors, on parle souvent d'une coïncidence avec, comme c'est le 1er janvier 1939, on dit que ça a servi aussi pendant la Seconde Guerre mondiale à distinguer les véhicules allemands des véhicules français. Bon, voilà, ça a servi un petit peu à ça, mais c'était pas à la base fait pour ça. Mais toujours dans les accessoires, moi, pour moi, il y avait un accessoire qui était vraiment culte, c'était le fameux dé accroché au rétroviseur. Est-ce que tu t'en Ah oui, souviens? le dé en moumoute. Évidemment, le dé voilà, qui bougeait au fil de ta route, quoi. Ouais, voilà. Alors, moi, dans la voiture de mes parents, il n'y avait pas de dé, mais il y avait, comme mon père était entraîneur encore d'athlétisme, il y avait une petite paire de pointes d'athlétisme en plastique qui faisait 10 cm de long, qui était accrochée au rétro. Et ces petites pointes, je Des les pointes ai de quoi? Je encore. comprends pas des pointes de quoi? Alors, c'est des chaussures à pointe, en fait. Alors, on dit des pointes pour raccourcir, mais en athlétisme, on a des chaussures avec des pointes en dessous qui Ah permettent oui, d'accrocher, d'accord, OK, alors, je vois très très bien. autrefois la cendrée et aujourd'hui le tartan. Voilà. Et donc, il avait une petite paire de pointes comme ça en plastique. Et voilà, elles étaient vertes et blanches. Hein, c'était de marque Adidas, même. Voilà, je me souviens de ça. C'était accroché au rétro pendant des années et des années. Et toujours accroché au rétro, est-ce que tu te souviens du fameux arbre magique? Ah oui, alors arbre magique, moi c'est pareil, mes parents n'étaient pas trop fans, donc mais Pareil, bon, moi je connais, oui. je détestais cette odeur. Je crois que ça se vend toujours, ça, parce Ah que moi, oui, bien sûr que ça je se suis vend. pas très très branché accessoires véhicules, mais c'était, je sais pas pourquoi. En fait, on disait arbre magique, mais c'était surtout sapin magique. Mais Oui, c'est peut-être sapin magique, oui, mais bon. personnellement, je trouvais que ça sentait vraiment le chimique. Mais ça a eu une grosse grosse période dans cette époque, hein. Bah, c'est surtout super moche, quoi. Enfin, dire un truc en carton accroché à ton rétro. Moi, j'aime pas avoir des trucs à mon rétro, ça me Pareil, gêne. Donc, bon, c'est une époque. Mais on voit beaucoup de choses quand même accrochées en rétro encore aujourd'hui. Ce qui peut exister aussi dans les accessoires, c'est le fameux chien qui balance la tête sur la plage arrière. Alors ça, c'est un grand souvenir aussi, parce que quand j'étais plus petit, ça me faisait rêver, ces chiens qui bougeaient la tête sur la plage arrière. Et je voulais que mes parents en achètent un. Ils n'en ont jamais acheté. Je tes ne sais parents pas sont des gens de pourquoi. goût. Mais moi, ça me fait. Enfin, quand tu parles de ça, moi, je pense tout de suite. Bon, c'est un petit aparté, comme j'aime bien faire. Mais est-ce que tu te souviens du film Didier avec Oui, Alain Chabat? Eh bah ben, oui. c'est la scène justement du Oui. chien qui bouge la tête est tellement culte. Tout à fait. Et alors, toujours en restant dans les accessoires, il y avait le célèbre volant Le Moumoute. fameux volant Ah Moumoute. ouais, mais moi j'ai toujours rêvé aussi, hein, c'est comme le chien qui balance sa tête, j'ai toujours rêvé d'avoir ça sur ma voiture. Quand j'étais petit, moi, je bavais devant ces volants Moumoute. Et même chose, je ne comprenais pas pourquoi mon père voulait pas acheter un volant Moumoute, quoi, parce que je trouvais ça tellement bien. Encore une fois, ton papa était quelqu'un de goût. Ben écoute, je ne sais pas, mais bon, alors c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que bon, c'était pas sa génération en fait, hein, Sais mais pas si ça bon. existe encore, le volant moumoute. Je sais pas, c'est peut-être interdit, je pense. Pourquoi? Est-ce que ça Ben, glissait? Je parce que je sais pense que pas. ça glisse, ça doit glisser un petit peu, et puis ça peut peut-être s'enlever, tu vois, lors d'une manœuvre ou d'urgence, des choses comme ça. À mon avis, c'est interdit. En tout cas, dans nos auditeurs, on a Cédric Dupuis qui nous cite le pare-soleil autocollant en haut du pare-brise. Ah Je oui. t'avoue que je ne vois pas du tout ce que c'est. Ah Si bon? tu peux nous éclairer un petit peu. Bien sûr, on en voit. Alors, c'était souvent de couleur légèrement bleutée ou alors légèrement vert. Et ça permettait, en collé en haut du pare-brise, ça permettait de faire, quand il y avait beaucoup de soleil, de limiter l'éblouissement Ah oui, exact, du pardon. conducteur, quoi. Exact, oui, je Ah pensais que c'était. Oui, mais pendant une grosse période d'IT, c'était carrément un accessoire de série. oui, complètement, Oui, complètement. bah, ça se fait plus du tout, ça, c'est vrai, ça. Non, non, non, non, parce que les pare-brises ont évolué, et puis maintenant, il y a parfois des choses intégrées qui permettent de dévier les rayons du soleil aussi dans. Absolument. Il nous cite également le couvre-siège fait de boules pour déstresser. Alors ça, j'ai vraiment un gros affect sur ça parce que je crois Carrément. que mes grands-parents avaient ça. Ouais. Et c'était, bon, moi, je trouvais que ça déstressait rien du tout, mais c'était très rigolo de s'asseoir dessus. Bah, en fait, moi je trouve que bah, pendant longtemps, j'ai pas très bien compris en fait à quoi ça servait non plus, parce que Bah, bon, je pareil. trouvais pas ça super confortable. Et en fait, moi je trouve l'intérêt éventuel de ces petites boules là, c'est que c'est peut-être plus facile de rentrer dans le siège ou de s'extirper de sa voiture en pivotant, tu vois. Et du coup, ça doit surtout limiter les faux mouvements Ah, et ça, d'éviter de se faire un labago et tout ça. c'est le professionnel qui parle là, non? Exactement, c'est le professionnel qui parle, mais vraiment, je pense que ça pouvait aussi aider à ça, à la manœuvre d'entrée et de sortie de la voiture, sans trop D'accord. forcer sur le dos. Je t'avoue que je me suis absolument jamais posé la question. Alors, un de nos auditeurs, Jean-Podorama, nous cite la fameuse CB. Ah, la Sibylle, est-ce que tu me copies la station? Voilà, tout à fait, ouais. Et puis, il y a les boîtes à images aussi qui peuvent traîner. Oui, exact. Les boîtes à images, bah, c'est les radars. Ah oui, c'est ça, c'est Oh les là radars, les là, boîtes à c'était images, flashback ouais. d'outre temps là. Oh là, je m'en souvenais plus. Ouais, bah oui, c'était comme ça qu'ils repéraient Et toi, les radars. t'étais sibiste un petit peu, non? Non, j'étais pas cibiste du tout, mais j'avais un ami à moi qui en avait une, et c'est vrai que on l'a fait deux, trois fois, Ah il a là fait là, deux, moi je trois me fois souviens, fonctionner, c'est marrant. c'était rigolo parce que tu tombais Ouais. sur tous les routiers Bah oui, qui t'envoyaient forcément. tous paître hein, parce qu'ils avaient tout de suite cerné que t'étais pas du tout de la profession, tu vois. C'était très très drôle. Je garde de bons souvenirs sur la CB. C'est vrai, c'est vrai. Ça existe plus ça, non? Je sais Je crois pas. pas. Je crois. Enfin, il y a peut-être encore des systèmes, peut-être pour les professionnels, mais bon, avec les communications d'aujourd'hui, je pense que ça tend à disparaître quand même. C'est ça. Alors, il y a aussi un accessoire dont tu vas te rappeler certainement. C'est ce qu'on appelle les déflecteurs d'air. Alors, c'est Chris D'accord. Schmidt qui nous en parle. C'était une sorte de coque plastique qui se mettait en haut des portières pour éviter que l'eau ne rentre dans la voiture quand on roulait avec la fenêtre légèrement entrouverte Ah et oui, qu'il y avait de la exact, pluie qui ouais. tombait. Ça Et permettait d'une évacuation de l'eau, quoi, pour pas que ça rentre dedans. Ah oui, mais c'est un truc, ça a complètement disparu. Parce que Ah là, maintenant ouais. que tu le dis, je me souviens que ma mère en avait fait installer bah, justement sur sa Super 5 d'époque, qui Ah était oui. elle boîte 4, boîte 5 vitesses même. Oh. Et que bah, je trouvais que justement, parce que bon, moi, les premières années où j'avais le permis, bon, le véhicule était vieux, même le prêtait un peu, bah, je trouvais qu'on voyait rien en fait. Ça bouchait complètement la visibilité. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai jamais roulé avec des trucs comme ça, mais ça a complètement disparu. En effet, je pense que c'est surtout parce qu'aujourd'hui, la ventilation à l'intérieur des voitures est plus efficace, donc il y a peut-être moins de buée, il n'y a pas besoin d'entrouvrir, tu vois, la fenêtre lorsqu'il pleut. Et puis, il y a les systèmes de climatisation, les choses comme ça. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a disparu. Il n'y a plus de raison d'ouvrir la fenêtre, finalement, Et en plus, je m'en quand il pleut, souviens, quoi. c'était une sorte de plastique vraiment rigide, très, très, Ah enfin, ouais. et plutôt épais. Et bah, avec le temps, tu sais, enfin, c'est mes souvenirs qui parlent, donc ils sont un peu flous, mais ça avait plutôt tendance, pas à blanchir, mais tu sais, à être un petit peu opaque, entre Oui, guillemets. je vois, Bah, je vois bien, au ouais. final, tu voyais absolument plus rien. Donc c'était plutôt... enfin, je me souviens qu'au bout d'un moment, mon père l'avait enlevé parce que bah, justement, c'était pénible, quoi. Ouais. Alors, est-ce que tu te souviens d'un truc qui s'appelle... Alors, j'ai découvert le nom très récemment en cherchant un petit peu pour voir si ça existait encore. Tu as préparé Je ne ton connais émission. pas. Alors, ça s'appelle la bande antistatique. La Ça bande se... antistatique. La bande antistatique qui élimine les nausées et l'électricité statique. Rien que ça. Bah, honnêtement, je vois pas du tout ce que c'est. Ah, je t'écoute. Alors, il faut d'abord le dire que, il faut d'abord dire que, on en trouve encore pour quelques euros chez Noroto et consorts. Hein, ça existe encore, donc on le fixe sous la voiture, plutôt à l'arrière. C'est une sorte de bande en caoutchouc qui a une longueur suffisante pour juste traîner un tout petit peu sur la route. Et donc, ça, visiblement, ça évacue l'électricité statique. Et ça limite le risque de nausées des enfants dans la voiture. Alors, je ne connais pas la liaison entre électricité statique et nausées. Hein, je ne vois vraiment pas Puis le rapport. l'électricité qui passe dans la bande de caoutchouc, j'ai du mal à cerner le truc. Oui, c'est pas faux, tu vois. Comme ça. Pardon. Oui, non, mais c'est une très très bonne remarque. Parce que c'était également un accessoire, je crois, qui nous a été cité par Charlotte Aupoir, et que c'est excellent pseudonyme au passage. Je vois pas, je suis désolé. Toi, ça, non, si ça te parle, c'est... puis le côté électricité statique et nausée, je sais pas. Ben, je sais pas, mais en tout cas, mes parents en avaient une, parce que ma soeur était malade en voiture, et a priori, elle était moins malade avec ça. Est-ce que c'était psychologique c'est ou pas? Psychologique Je quand n'en tu sais nous rien. tiens. Voilà. Alors, on peut citer encore un petit accessoire, parce que ça, c'est pareil. Moi, je parle de mon expérience, de la voiture de mes parents. Il y avait des petites protections qu'on mettait au niveau des portières en plastique. Et sur ces petites protections en plastique, il y avait des petites bandes réfléchissantes, en fait. Et ça permettait, lorsque tu ouvrais la portière, soit un petit peu fort et qu'il y avait un mur pas loin ou une voiture à côté, de pas abîmer ta portière. Et Celle du plutôt voisin. d'abîmer celle du voisin. Oui. Ou de pas l'abîmer sur un mur, quoi. Donc, t'as déjà vu des trucs comme ça ou ça te parle? Bah, il me semble que c'était des genres d'accessoires qui étaient de série, non? Si sur Ah les non, véhicules non. qui étaient. Ah Ah non, bah, bah. non, je vois pas, je suis Alors, désolé. peut-être qu'il y en avait de série. En tout cas, celle de mes parents n'avait pas de série. On achetait ça chez Continent, hein, tout Est-ce simplement. que Et puis, on les Continent? accrochait Parce à que, chat gagnant. évidemment, j'ai envie de te dire, avec tous ces accessoires que tu viens de nous citer, bah là, tu as la voiture Jackie par excellence, là, non? Ah ben si on met tout, la La CB, CB. le volant moumoute, les pare-soleils, les couvre-sièges faits de boule, etc., etc. Il manque Là, juste, bon là c'est plus 90s, mais il manquerait juste, tu sais, les fameux autocollants que tu mettais sur le pare-brise arrière, le The Yetcha Touch, et là t'as le... Yetcha Touch, Il te je sais manque pas, très que la sympa boule quoi. à caravane était au top, là, non? Ah oui, la boule à caravane avec la tête de poupée. Oui, évidemment. Ou la balle de tennis, La balle de c'est au tennis, choix. j'allais te Ah dire, oui, la mais balle de tennis. la tête de poupée, La c'était balle pas de mal quand tennis qui servait accessoirement en vacances au nonos pour le chien, tu vois, au camping des flots bleus. N'importe quoi, désolé. Et le rétro passager en option. En option, ben oui, c'était ça quand tu avais. Moi, je me souviens, là, tu vois, gros flashback, ma Ouais. Super 5 5, il n'y avait pas de rétro à droite. Ah ben non, Ah, ben non, c'était en option. Bien sûr. Bon, bah écoute, avec tout ça, hein, avec une voiture comme ça, on va pouvoir filer très très rapidement pour faire un petit retour vers le passé. Au commencement, le Créateur fit le monde plat, épouvantablement plat. Et c'est logique, il n'avait mangé que des plats plats, épouvantablement plats. Le septième jour, nous lui avons livré de la moutarde Amora, celle qui relève si bien le plat. Constatez, voici la preuve irréfutable que lorsqu'un plat est si bien relevé, c'est toute la vie qui est changée. Si besoin est, les joies du ski en sont une preuve supplémentaire. Car en vérité, je vous le dis, Amora relève le plat. Alors, on va maintenant partir dans la troisième partie avec les objets de la maison. Ouh là là, il y a des trucs Ça, à dire là aussi. Hein. ah ouais, il y a des trucs à Il y a dire. du dossier là. On va commencer direct par un objet culte pour beaucoup de monde. Ah oui, ah Il y oui. a Rano 84 qui nous en a parlé. On va parler du verre Amora. Ah, le verre à mort, hein. Ouais. Le verre Amora, le fameux verre Amora. Alors, j'ai, en préparant en effet mon émission, j'ai été sur le site 80s.fr qui donne plein d'informations Qui sur. est excellentissime site sur les années 80. Vraiment, C'est enfin, vrai. j'en profite parce que tu le cites. C'est le site référent si vous aimez les 80s, hein, honnêtement. Hein. Le verre à moutarde est apparu dans les années 34 grâce au groupe Amoramaï. À l'époque, ils faisaient des simples verres sans dessin, sans rien, tout ça. Et il faudra attendre la fin des années 50 pour qu'Amora ait une idée pour conquérir les enfants, mettre des images de héros de Walt Disney, des fables de La Fontaine, des choses comme ça. Et donc, du coup, les enfants étaient attirés forcément dans le magasin. C'est du marketing, hein, tout Ah, mais simplement, c'est hein. du marketing Ah haut de gamme, hein, parce bah bien que sûr, moi, c'est fort. enfin, je trouve que l'idée, elle est exceptionnelle, parce que quel enfant n'a pas demandé à ses parents d'acheter son verre Ah Amora bah oui, avec son héros préféré, avec quoi. son héros préféré, Bien sachant qu'il sûr. ne voulait pas du tout manger. En plus, le contenant étant un verre, bah, quoi qu'il se passe, tu pouvais le récupérer. C'est pas... Une fois Ah que tu bah avais oui. fini ta moutarde, ça devenait un objet du quotidien, un vrai de Oui, vrai. tout à fait. Oui. Et puis là, comme on parle de la fin des années 50, ça correspond à l'explosion, enfin au début des grandes surfaces, etc. Donc c'était Absolument, vraiment ouais. en plein boom Et moi, tu vois, je pensais que du c'était un petit marketing. peu plus récent que ça. Je pensais que c'était quelque chose des années 70, voire 75, tu vois, les premiers verres. Alors peut-être parce que dans les années 60, en fait, il y a eu les premiers héros de la télé, ah. De RTF à l'époque. Et puis ensuite, ça s'est beaucoup multiplié avec des héros de la télé qu'on connaît. Mais tu sais, on parle des vers Amora, mais est-ce que tu as une petite idée de mes vers cultes Amora? Non. J'ai envie de te dire Goldorak, parce que il y a eu une série de vers Goldorak, dont d'ailleurs je salue notre copain Imra, je fais un petit coucou, qui m'en avait envoyé un, et c'est extrêmement rare à trouver. Ah bah oui, mais puis en plus ça coûte des fortunes, parce que mon petit plaisir, qui est d'ailleurs celui de Nico et de Imraj, c'est de chiner ces fameux vers Amora en brocante, et ça coûte très très cher. C'est d'accord. En fonction de, on va dire, de l'aura de la licence du personnage. Bon, si t'as du Winnie l'ourson, tout ça, ça vaut des rien, mais des Goldorak ou des trucs comme ça, ça vaut très très cher. D'accord. Et d'ailleurs, j'ajoute que Nico, notre chroniqueur, en a plein chez lui. Ah oui. Et qu'il refuse de me les offrir. Oh, si tu nous écoutes, encore une fois. Tu peux lui proposer un prix aussi, hein, et puis tu verras bien s'il accepte ou pas. Et donc, toujours dans les objets du quotidien de la maison, j'ai envie de te parler du tire-bouchon à levier, parce que j'ai presque envie de te dire... Ah oui, le tire-bouchon à levier. J'ai presque envie de te dire, c'est presque un jouet culte, parce que moi, quand j'étais enfant, je m'amusais à imaginer un personnage doté de bras qui avait la possibilité de tourner la tête à toute vitesse, un peu, mais surtout qui levait les bras en haut et en bas. Et ça me faisait penser à l'époque à Véronique et Davina. Ah oui, les anciens se comprendront. Et je trouvais, après tu vas me corriger, mais je trouvais qu'il ressemblait à E.T. Donc pour moi, c'est un objet culte par son détournement. Alors, on passe de Véronique et Davina à E.T., mais Véronique et Davina, c'est-à-dire que tu jouais avec le tire-bouchon pour un personnage, c'est-à-dire que tu mettais sous le robinet comme si elles étaient sous la douche ou... non, non, pas du tout. Toi, tu cibles direct les trucs cultes de Gym Tonic, c'est super. Mais non, pas du tout. Non, parce que tu avais l'impression que ton personnage, il levait, baissait les bras, enfin, qu'il faisait de la gym, tout simplement. D'accord. Tu sais, moi, comment j'appelle ça, ce tire-bouchon à levier? Pas du tout. Un De Gaulle. Ah bah oui. De Gaulle qui lève les deux bras comme ça, ça. Dans les objets de la maison, il y avait quelque chose qui était très utile quand on était en dehors de la maison. C'est la fameuse carte téléphonique. Ah oui. Alors, elle n'a pas complètement disparu, mais bon, presque. Je te cache pas que ça doit faire bien 15 ans que j'ai pas appelé dans une cabine téléphonique, mais bon. Ah, moi, ça fait moins longtemps que ça, mais ça fait quand même une petite dizaine d'années. Alors, la carte téléphonique, c'est un objet important parce que il faut tout d'abord savoir que la carte téléphonique donc est équipée d'une carte à puce. La carte à puce, c'est une invention cocorico française. Voilà. C'est un monsieur qui s'appelle Roland Moreno, qui s'appelait, puisqu'il est décédé il y a quelques années. En mars 1974, il a déposé un brevet pour la carte à puce. Et il a créé plus tard une société avec l'exploitation du brevet, etc. Alors d'ailleurs, il y a la paternité de cette fameuse carte à puce est contestée, revendiquée par un autre monsieur, Daniel Vesque, ingénieur, etc. Je crois qu'il y avait eu procès, non? Oui, il y a eu procès. Alors, c'est pas très très clair dans les informations que j'ai trouvées. Bon, mais carte à puce, on trouve quand même souvent Roland Moreno. Absolument, oui. On va partir là-dessus. Mais ce qui est dingue, en fait, avec cette invention de la carte à puce, c'est qu'aujourd'hui, elle est utilisée dans énormément de choses de notre quotidien. On ne s'en rend même plus compte. Ça a été également utilisé dans les puces qui sont lisibles à distance, comme la puce qui est dans la carte Navigo de la RATP sur Paris. C'est une autre techno, c'est pas le NFC, ça, ou un truc comme ça, non? Oui, mais à la base, c'est basé quand même sur des cartes à puce. L'origine du système. La carte bleue, tout simplement. Ça, voilà, après, il y a eu une utilisation plus commune qui était avec la carte téléphonique, mais ensuite, bien sûr, la carte bancaire, la carte vitale, les fameuses cartes SIM portables. Ah bah oui, exact. Ouais. J'avais jamais fait le rapprochement, parce que c'est découpé à la taille de la puce. Oui. Mais c'est tout à fait ça, c'est exactement la même utilisation. Ben oui, c'est exactement pareil. On a l'impression qu'elle s'est pas transformée, quoi. Elle ressemble toujours à la même chose, à une carte à puce, un petit circuit imprimé. C'est assez impressionnant, quoi. Ce que je retiens de la carte téléphonique, c'est qu'il y avait des lignes de collection, qu'il y avait des collectionneurs de cartes téléphoniques. Hein. Oui. Et tu avais des cartes qui coûtaient des fortunes exactement. En fonction de la collection. Un peu comme des cartes postales ou des timbres, etc. Oui, personnellement, j'ai jamais bien compris l'engouement. L'engouement. Oui, tu as raison. Et d'ailleurs, il y avait des séries qui étaient numérotées. Exact, moi, ce que j'ai retenu des cartes téléphoniques, surtout parce que je me suis fait avoir sur la dernière que j'ai achetée, c'est qu'elles avaient une date de péremption. Ah bon? Oui. Ah, je ne savais pas. Donc, j'avais acheté une petite carte de 50 unités. Et puis, je l'avais à peine utilisée parce que c'était vraiment sur la fin, toute fin des cabines, on va dire, et l'arrivée des portables. Et du coup, ben, un jour, j'ai voulu l'utiliser et ben, j'avais dépassé 2 ans la date. Donc voilà, j'avais dû utiliser 3 ou 4 unités sur ma carte. J'étais content. D'accord. Bah moi, Et depuis, je n'ai plus racheté de carte. ça me fait penser qu'une fois, mes parents, quand j'étais enfant, j'habitais en région parisienne, m'avaient envoyé en vacances en Provence chez des amis et m'avaient fait prendre le TGV. Et en fait, pour rassurer mes parents, à l'époque, il y avait des cabines téléphoniques dans le TGV. Je sais pas ah si oui, tu te souviens. Je me rappelle, oui. Et bah, j'avais appelé juste mes parents parce que quand t'es enfant, t'es toujours un petit peu inquiet, tu vois. Et je me souviens que les unités, elles partaient comme ça. Pit, pit, pit. Oui, je Et me enfin, rappelle. ça coûtait Un bras. un bras, voilà. Ordinateur domestique, machine à soigner ou à enseigner, machine à communiquer, les exemples ne manquent pas, de ces innovations qui pourraient changer notre vie. Si je te parle de self-service, est-ce que tu as un objet qui devient Ah bah en tête? évidemment, moi je te réponds tout de suite du Ralex. Ah, les Alors, préservatifs? attention, évidemment, non, ce n'est pas une marque de préservatif, c'est le, je dis bien le verre qui nous a tous suivis sur toute notre scolarité. Mais ce fameux verre en verre indestructible qui était de cette forme un petit peu ronde, mais est-ce que tu te souviens de sa fameuse particularité? Ben, bien sûr. Alors, il n'était pas incassable quand même. Hein. Non. Et parfois, tu te souviens qu'ils ont rebondissé deux, voilà. trois, quatre fois. Et parfois, ils ne se cassaient pas. Ou alors, ils s'émiettaient en un millier de petits morceaux c'est de verre. C'est ça. Il avait une particularité, ce verre. Il se broyait en de milliers de morceaux. Ouais, ça m'a toujours marqué, ça. Ah ouais, ça nous est tous arrivé de les faire tomber. Et puis surtout les rebonds, quoi, en espérant, oh là là, pas au prochain rebond, oui, faut pas qu'il se casse, faut pas qu'il se casse. Mais alors, pour cette particularité dont tu parles, évidemment. Il y avait en effet un chiffre ah, oui. ou un nombre au fond du verre. Je dirais même le fameux chiffre. Le fameux chiffre. Et donc, on jouait tous à regarder le fond du verre et c'était quel âge as-tu? Et on comparait les âges. Quand on était gamin, et puis forcément, celui qui avait le plus gros chiffre, il disait qu'il était le plus grand. Oui, maintenant, ça serait plutôt l'inverse, maintenant. Hein. On dirait, oui, non, mais ça va, c'est moi le plus jeune, là, l'air. C'est vrai. Finalement, on disait, j'ai quel âge, tu as quel âge, nous avons quel âge. Ouais, mais ça vient de ce chiffre, justement. Mais d'où ça vient? Eh bien, tout simplement, c'était le numéro de l'un des 50 moules qui servait à la fabrication de ce verre. Donc, il n'y a pas de verre numéroté au-delà de 50. Ça n'existe pas. D'accord. Alors, comme autre objet dans la maison, il y a une chose qui me tient un petit peu à cœur parce que j'ai compris tardivement ce que ça signifiait. C'est le fameux poste radio. Le poste radio qui servait juste à écouter RTL et des choses comme ça, puisque c'était les petites ondes et les grandes ondes qui sont marquées. Ben non, il n'y avait pas la FM, parce que les radios FM, elles sont arrivées que dans les années 80, et le temps que ce soit inclus dans les postes radio qui avaient été achetés dans les années 70 par les parents ou les grands-parents encore avant, etc., il n'y avait que petites ondes, grandes ondes. Moi, je me souviens des radios Géo FM, il me semble, ou AM FM. Alors écoute, je ne me souviens plus, mais alors, Géo, j'ai aucun souvenir, mais vraiment, hein. Alors moi, je m'en souviens bien parce que justement, donc c'est POGO, hein, petites ondes, grandes ondes. Mais je lisais en effet en étant petit, tout bêtement, je lisais Pogo et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et voilà, et Radio Pogo. Et j'ai dit ça un jour à mes parents, à ma mère, je crois bien. Et elle a éclaté de rire parce que c'était pas comme ça qu'il fallait dire Pogo, quoi. Mais ça, pour moi, c'est quand même avant années 80, quand même, non? Parce que, non, toi, pour toi, c'est un objet que tu as connu dans les 80s. Ah oui, oui. Parce oui. le début des années 80, libération des ondes et tout, enfin, la FM, tout ah ça. Ah oui, mais non, parce que mon père était très radio, et encore très radio, et il a toujours écouté petites ondes et grandes ondes, il écoute pas la FM, quoi, en fait. Hein. C'est très rare, finalement, encore aujourd'hui. Hein, donc, oui, c'est. Donc, il capte l'Angleterre, ton père, quoi, non? Exact. Ah bah, ça, j'aimais bien faire ça. J'aimais bien tourner les trucs et puis essayer d'entendre des voix qui parlaient pas français. Ça, j'adorais. Des fois, j'écoutais ça quelques minutes. Bon. Oui, je l'ai fait aussi, hein, je te rassure. Ah bon, tu me rassures. Ce que je me dis, des fois, j'étais un peu bizarre quand même. Mais bon, ça me rassure. Alors, comme on est dans la partie finalement un peu technique, électronique, tout à fait, on va peut-être passer au salon pour aller se diriger vers... Le canapé. Le canapé. Le canapé, évidemment. Et en face du canapé, il y avait le magnétoscope sous la télé. Exactement. Parce que moi, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, bah, on rêvait tous de posséder une télé 36 cm. Ah oui. Quelque chose que j'avais eu. Et l'accessoire qui vraiment était indispensable et qui manquait cruellement, c'était le magnétoscope. Encore une fois, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Moi, j'ai la chance d'avoir eu une maman qui travaillait chez une grande entreprise américaine spécialisée dans l'informatique. Mmh. Et elle avait réussi à récupérer ce fameux magnétoscope qui, même déjà à l'époque, c'était fin des années 80, était déjà un vieux modèle parce qu'il y avait quand même le magnétoscope. Faut savoir, bon, on va pas refaire l'histoire de Betamax, VHS, parce que là je parle vraiment du VHS. Tu sais ce que ça veut dire VHS? Video Home System. Et Betamax, vas-y, hein? Betamax. Bravo. Non, je ne sais plus. Oui, parce que j'avais vraiment les premiers modèles. Tu sais, c'était les énormes magnétoscopes qui faisaient bien 7-8 kilos, qui n'acceptaient que les cassettes 3 heures. Ah bon? Et tu sais, c'était les magnétoscopes où c'était des grosses touches à enfoncer quand la touche éjecte était au-dessus du magnéto et c'était vraiment un tiroir, un compartiment qui s'éjectait. Ah oui, je vois. J'en ai jamais eu des comme ça. Oui, c'est, en effet, c'est ancien, ouais. Moi, évidemment, je me souviens, on faisait tous des copies. Honnêtement, c'était vraiment un support extraordinaire des années 80 qui a vraiment, je trouve, pour une techno assez déjà obsolète à l'époque, a duré très longtemps, hein, jusqu'à l'arrivée du DVD. Bon, du jour au lendemain, c'était terminé, hein, mais en revanche, de ma tendre enfance jusqu'à, on va dire, milieu des 90s, oui. C'était magnétoscope. Après, il y avait une évolution du magnétoscope, parce que moi, celui que j'avais, c'était genre deux têtes. Après, oui, tu avais les trois oui, têtes, oui. Les quatre têtes, les trucs où tu pouvais enregistrer 8 heures, machin, etc., en mode lent. Mais dans l'ensemble, la techno était la même. Le magnétoscope, je me souviens, c'était un Akai. Je l'ai gardé super longtemps et il marchait vraiment bien. Avec le magnétoscope Philips, vibrer, l'image ne vibre pas. Guidé par le rail électronique Philips, l'image reste stable, en arrêt sur l'image, en accéléré arrière, en accéléré avant, comme au ralenti. Magnétoscope Philips à cassette réversible. Une image parfaitement stable. Magnétoscope, c'est une bonne chose, on parle de la télé, tout ça, mais il y avait quand même un lien entre le magnétoscope et la télé. Ah un oui. Lien qui nous est tous très très cher. Oui, la prise Spiritel. Oui, la prise Spiritel. Mais quel cauchemar cette prise Spiritel, parce que c'est vrai. L'objet semble vraiment anodin à première vue. Mais alors, quelle purge pour la mettre, parce que, enfin, je m'en sers encore parce que je possède tout un tas de consoles qui marchent sur ma vieille cathodique. Mmh. Mais la prise Spiritel, c'est pas un truc que t'emboîtes, il faut viser pour mettre une prise Spiritel. je n'ai jamais réussi à mettre une Spiritel au toucher. Tu vois, je suis toujours obligé de faire pivoter la télé, de regarder où je veux mettre cette fiche pour être poli et de l'emboîter. Je n'ai jamais réussi à mettre une prise Spiritel en aveugle. Oui, non, c'est vrai. Moi, c'est pareil. On essaye toujours, hein, pourtant. Hein. Combien de fois on a essayé de la mettre en aveugle, mais non. La Spiritel, c'était un truc vraiment de psychopathe. Il n'y a pas d'autre mot. Non, c'est vrai. Alors, Spiritel, ce qu'on dit souvent, voilà, on dit toujours un prix Spiritel, en fait, c'est un raccourci de le terme exact, c'est péritélévision. Et il y a aussi le terme scout, qui veut dire, alors c'est ça qui est rigolo, parce qu'on a l'impression que c'est un terme anglophone. Mais moi, j'ai toujours cru ça, hein, je te cache pas. Eh bien, moi aussi, mais j'ai découvert que ça veut dire syndicat des constructeurs d'appareils radio-récepteurs et téléviseurs. C'est, voilà, SCART ou EuroSCART, où il y a EuroConnector, oh ou encore EuroAV. En tout cas, nous, c'est la Spiritel. Alors, c'est pas franco-français, hein. Ça a été utilisé en Europe, dans plusieurs pays. Ça a été créé fin des années 70, elle a été produite dès 80, et en fait, elle est en train de disparaître. Je dis bien en train, parce qu'elle n'est plus obligatoire sur les téléviseurs depuis le 5 juillet de cette année. 2015. Ouais. De cette année. Donc, c'était obligatoire depuis 80. T'imagines. En France métropolitaine, si bien que, j'insiste sur France métropolitaine, parce que si bien qu'il y a des télés à La Réunion ou aux Antilles qui n'ont pas de prise Spiritel. T'imagines que les constructeurs devaient penser un modèle France. Oui, c'était assez spécifique, c'était particulier. Mais comme tu parlais tout à l'heure avec tes vieilles consoles, ça pose un certain problème pour les rétro gamers notamment. Absolument. Puisque pour jouer sur des LCD, des plasmas, enfin tous les écrans plats d'aujourd'hui, il faut investir dans des convertisseurs de signaux analogiques vers du numérique qui coûtent cher. Hein, ça coûte entre 50 et 100 euros. Alors après, toi, tu as une télé cathodique. Moi, je préfère jouer sur des écrans LCD et autres. J'ai acheté des adaptateurs, j'en ai deux. Ça marche très bien, hein, mais c'est vrai que ça coûte très cher. Ouais. Alors, la Péritel, donc, elle s'est vraiment diversifiée, enfin, pas diversifiée, mais elle s'est répandue. Mais la Péritel, certes, c'était un truc pour la France, mais au niveau qualité de réception, c'était quand même un bon objet, parce que tu avais, je crois, des prises RCA, tu me corrigeras, et au niveau rendu d'image, c'est incomparable. La Péritel, c'était de la HD de... Voilà, c'était la HD des années 80. Oui, tout à fait. Et donc, la Péritel s'est répandue sur plein d'appareils différents. Donc, on a parlé des consoles de jeux, les magnétoscopes, la télé, forcément, certains ordinateurs même. Et il y a eu aussi les, attention, des multiplexeurs. D'accord, ok. Mot compte trip, scrap, c'est bon, on range tout, on a fini. Quoi, non. Alors, tu sais pas ce que c'est un démultiplexeur? C'est quoi, la multiprise? Non. Alors, le plus célèbre des multiplexeurs, c'est il est marron foncé, plutôt moche, avec des boutons super cheap, pas pratique du tout par leur forme et leur taille. Sur le devant, il a envahi nos maisons en 1984, le 4 novembre précisément. Alors, écoute ça. Ah bah oui, d'accord. Oui, bon là oui, c'est le générique d'ouverture de canal, mais quel est le rapport avec le démultiplexeur? C'est le décodeur? Eh ben c'est le décodeur, tout simplement. Bah oui, exact. On a pas mal parlé du salon, mais dans l'entrée, finalement, on recule dans la maison là. On est dans toutes les entrées des années 80. On est dans clairement. Toutes les entrées, voilà, avec sur le petit meuble ou sur le petit truc sur le côté. Sur le petit napperon. Le téléphone. À cadran. Hein, qui, chez ma grand-tante, qui était des gens plutôt aisés, avait une très jolie housse en velours. Oh oui, ça m'a... marron, évidemment. Ça non, m'a tout... beige. Elle était plutôt verte. Verte, oh, oui. Oui, un vert, très moche. Assorti au canapé. Mais ça m'a toujours fait rêver, cette housse en velours. Je trouvais ça très joli, très doux, très classe. Enfin, j'en voulais, quoi. Et bon, bah maintenant, j'en veux plus, bien sûr. Mais voilà, c'est un truc qui, chez ma grand-tante, ça m'a toujours marqué, ce téléphone à cadran avec sa housse. Le fameux écouteur. Avec l'écouteur. Ça, par contre, c'était vraiment génial. Ah oui. C'était moins agressif que les haut-parleurs aujourd'hui. Et moi, j'ai beaucoup d'affect sur l'objet téléphone à cadran, parce que j'avais un oncle qui était artisan, bon, et qui m'avait appris, parce qu'il était un petit peu filou, à pouvoir téléphoner sans utiliser le cadran. Ah, avec... Alors, est-ce que tu as une petite idée de comment on faisait? Avec des sons, des impulsions, non? Ouais, exactement, parce que figure-toi, quand tu raccrochais, en fait, tu appuyais sur le combiné pour couper la ligne, et que tu pouvais, entre guillemets, comme si tu faisais du morse, bah tu pouvais passer des coups de fil. Bon, ça marchait absolument pas, mais ça appelait vraiment quelqu'un. Ça composait réellement un téléphone. C'est-à-dire quand tu appuyais clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, tu vois, et ben ça composait réellement les cadrans du... Enfin, les chiffres du téléphone. Ah oui. Toujours dans l'univers téléphone, un souvenir que j'ai peut-être aussi fort que le téléphone lui-même, bah, c'est le fameux répertoire téléphonique à cran. Ah oui, avec les touches à chaque lettre là. C'est ça, je trouvais que c'était vraiment bien fichu. Oui. Je passais un temps fou, un peu comme le tire-bouchon, je passais vraiment un temps fou à jouer avec cet accessoire. Mika de Twix jouait avec son tire-bouchon et son répertoire à cadran. À cran, pardon. Ça va passer 18 plus là direct. C'était bien fait et mes parents pestaient. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment. Ça se bloquait, non? C'est pas que ça se bloquait, mais pour que les lettres sélectionnées fonctionnent bien, il fallait absolument que ce répertoire soit fermé. Ah oui. Or, moi, je m'amusais à le faire ouvert. Quand il était ouvert, Et quand c'était ouvert, l'objet était ouvert à 90 degrés et que toutes les feuilles tombaient et que tu pouvais plus les remettre dans l'espèce d'encoche qui servait à sélectionner tes lettres. Alors, mes parents pestaient complètement. On a vraiment des jeux, finalement, quand tout innocents enfant, quand on est enfant. Ouais. Bon, enfin, c'est vrai que la maison, c'est plein de choses. Il y a aussi, il y avait l'appareil photo jetable aussi, avec les flashs qui étaient jetables également. Il y avait le balai aspirateur. Ah, ça, je ne vois pas. Bah, c'est un aspirateur, mais qui a une forme de balai, en fait. Alors, je ne sais pas trop comment te le décrire. Il y a une sorte de oui, réservoir exact, au milieu. Il y a une poignée pour le tenir. Bon, j'ai utilisé ça une fois. Je trouve que ça a un peu de puissance et ce n'est pas très pratique, mais bon. Oui, c'était censé être révolutionnaire. Oui, ça me revient. En fait, c'était le balai. Oui, balai aspirateur. Maintenant que tu le dis, voilà, une sorte de balai mécanique, quoi, finalement. C'est un Moulinex, hein, j'imagine. Oui, bah, je pense qu'ils ont tous fait Seb, Moulinex, ont tous fait le leur. Et d'ailleurs, Seb, Moulinex, il y avait aussi tous les appareils électrique, évidemment, hein. le cafetière moulin, programmable, café, voilà, cafetière programmable, plein de choses comme ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir justement encore? Il y a Jean-Paul Orama, toujours, qui lui, ça c'est vraiment un objet qu'on a tous connu, oui. Nous a suggéré l'ouvre-boîte électrique qui, évidemment, était fixée au mur. Ah oui, oui, alors, ah, mais ça c'est un truc de fou, ça. Moi j'ai jamais réussi à m'en servir. Chez mes parents, on n'en a jamais eu. Par contre, chaque été, il y avait nos voisins qui partaient en Bretagne. Ils te prêtaient leur ouvre-boîte électrique. Pas tout à fait, mais on devait aller nourrir leur chat. Ah. Et donc, quand on allait dans la maison, outre cette odeur très répugnante de nourriture pour chat dans toute la maison, on devait ouvrir la petite boîte de ronron ou de Kit Kat ou je ne sais quoi, de Kit et Kat, pardon, ou je ne sais quoi, pour le chat. Kit Kat, c'est autre chose. Kit Kat, c'est autre chose, c'est meilleur. Et donc, on utilisait, avec ma sœur, cette ouvre-boîte, et je me souviens qu'on pestait parce qu'on n'arrivait pas à l'utiliser, on n'arrivait pas à ouvrir le truc, et à la fin, on finissait par venir avec l'ouvre-boîte manuelle du tiroir de mes parents pour ouvrir la boîte plus facilement. À la base, c'est vrai que cette période années 80, c'était vraiment la foire à tout électrique, le couteau électrique, l'ouvre-boîte électrique, c'est un truc, c'est complètement perdu, ça. Enfin, moi, ça te rajoute des trucs à mettre surprise pour rien, quoi. Et pourtant, je suis un vrai gaucher. Tous les gauchers qui nous écoutent savent que l'ouvre-boîte, c'est le cauchemar du gaucher, tu vois. Moi, je ne connais pas, je suis droitier. Ah, mais je te le dis, hein, c'est, le monde n'est pas fait pour les gauchers. Donc, bon, donc, le gars qui a inventé cet objet s'est dit « Ah, ce sera pour les gauchers », et ben, je n'arrivais pas à m'en servir. Je suis sûr qu'il y a des ouvre-boîtes pour gauchers. Surtout que les ouvre-boîtes électriques bien pensées, c'était ceux qui avaient un petit aimant qui tenait le couvercle. Quand il était coupé complètement. Parce que le truc tout bête, super, parce que la coupe, en revanche, elle était chirurgicale, hein. C'était vraiment bien fait, mais si l'aimant ne faisait pas son travail, bah, c'est ballot, mais le couvercle tombait entre guillemets dans le fond de la boîte en fonction de l'épaisseur du contenu, et bah du coup l'intérêt était limité, puis en plus tu risquais de te couper, donc parfait. Bon, enfin, après s'être rempli le ventre avec une bonne boîte de conserve ouverte avec cette ouvre-boîte vraiment pas pratique, il faut se rendre à l'évidence, Mikado Twix, la pause déjeuner est terminée. Oui. Et voilà, vous avez bien entendu. C'est la rentrée, la pause déjeuner est finie, donc on va à l'école. On va retrouver tout de suite Mikado Twix. On va dire l'accessoire indispensable, le cartable, le sac US. Oui, c'était pour moi, hein. Enfin, je trouvais, parce que c'était la star des collèges. Bah, bien sûr. C'était un sac qui se portait en bandoulière, qui rappelait sincèrement l'équipement de l'armée, voire même de l'armée US, d'où le nom, sac US, qui à l'époque, paradoxalement, symbolisait complètement l'esprit un peu babacool. Bon, quand on était enfant, je ne te cache pas qu'on ne se posait absolument pas question, c'était plus un phénomène de mode, mais c'était catalogué babacool. Mais ce qui était vraiment important, je ne sais pas si toi c'était ton cas, c'était qu'il fallait. Il fallait personnaliser son sac. Et tu avais, selon moi, deux ou trois méthodes. Tu avais la pas chère, entre guillemets, c'était tu faisais un symbole de A comme anarchie au marqueur, ou un symbole PIS, hein, qui fonctionne tout aussi bien. Celle où tu mets un petit peu dessous avec de la colle Cléopâtre, tu collais des écussons. Et enfin, la méthode de Riche, comme on aimait dire à l'époque, c'était tu faisais coudre un écusson. Par ta maman, comme par exemple ceux des Guns N' Roses, tiens, au hasard. D'accord. C'était un sac que j'aimais bien. Je sais plus ma sœur aînée qui avait ça, parce que c'était vraiment, on va dire, milieu des années 80, parce que moi, j'étais pas encore au collège. Mais je garde un grand, grand, grand souvenir sur ce sac à dos. Bah, moi, c'est pareil, parce que moi, j'en ai eu 3-4 différents. Là. J'étais au collège dans les années où c'était vraiment la mode. Mmh. Et alors, moi, chez moi, alors, je sais pas si ça vient que de ma région, mais on appelait ça une vache. Ah, oui. Non. Donc, ça vient de chez toi. J'ai jamais entendu. On disait un sac US, point. On disait pas vache. Mais c'était une vache. Alors, bon, je viens de Normandie. Donc, peut-être que moi c'est aussi, lié. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'était tiens, prends ta vache, t'as oublié ta vache, tiens, tu balances ta vache. Alors, par contre, les livres, là-dedans, ils Oh là, prenaient il des cours, souffrait. Hein. la misère, parce que on lançait, on balançait, on jetait tout ce qu'on pouvait, nos sacs contre le mur, par terre, contre les autres sacs, etc. Enfin, c'était la misère. Mais oui, je me rappelle bien de ces sacs, j'en ai eu 3-4, ouais. Et il y a d'ailleurs quelques auditeurs qui en ont eu aussi, hein, aussi. Il y a Lesurlary qui a eu un sac à dos US avec le badge. S'il vous plaît, touche pas à mon Ah, pote. bah tiens, tiens, voilà un objet Ouais. des 80s, le fameux badge Exactement. de SOS Racisme. Il y a eu également Hubert Alès qui a eu un sac bardé de graffiti avec des noms de groupes punk Ah de bah oui. l'époque. Et alors, c'est rigolo parce qu'il dit que lui avait son sac US pendant que les mômes, entre guillemets, comme il faut, avaient des tans. Ah bah oui, t'as parce que quoi? Parce que T'as ton t'as ton tans. tans. Allez, on Bah s'écoute oui. la pub. Ouais. Des trousses, des ceintures, des sacs en croupe de cuir de toutes les couleurs. T'as ton tans, Ah t'as là ton là, ah, tans. c'est bon là, ça nous a marqué ça aussi. Hein. Ah, mais c'est une pub énorme, hein, c'est culte. Et alors d'ailleurs, nos confrères de What the Duck devaient faire partie des mômes comme il faut, puisque eux avaient des tans, Moi, justement. j'ai jamais eu le dance. Donc moi non plus, j'ai pas eu de tans, j'ai eu des vaches, moi. Voilà. Alors, quand on était à l'école, on avait d'autres petits objets également. Il y avait la montre calculatrice. Évidemment. La Casio. La Casio, il y avait aussi des petites calculatrices de poche ultra plates là avec des capteurs solaires qui marchaient jamais parce Alors, que bah est-ce que tu t'amusais à écrire avec ta soleil. calculatrice 713705? Alors je sais pas si c'est Et ça mais bah, j'ai quand tu le retournes, ça fait soleil. Et puis, c'est soleil, c'est il y ça, avait un autre d'accord. Je me truc rappelais pas où. des chiffres en fait. Mais il y avait un truc dont je vous laisserai retrouver, c'est le fameux 353-83773. On l'a Mais je sais ce tous que fait. c'est. Et on l'a tous fait. La fameuse calculette solaire, évidemment. Solaire ou pas, mais en tout cas, on pouvait écrire ça sur toutes les calculettes. Ouais. Alors, il y avait aussi, moi, je ne sais pas si tu as eu ça, les montres, ou la montre, enfin, il y en avait plusieurs, montres jeux vidéo. Ça me dit un petit peu quelque chose. Alors, moi, j'en ai eu une, achetée également chez Continent, car Continent, Achat gagnant. voilà, elle marchait un jour ou deux, on l'a ramenée, on en avait une autre, Mais quand tu elle dis montre marchait. jeu vidéo, il y avait un petit jeu dessus? Ah oui, il y avait un petit jeu vidéo, alors Genre un moi, j'en ai Space eu. Invader, un Pac-Man, un truc Alors, comme j'ai eu ça? un truc avec, je me souviens, d'avion. En fait, un truc de tir, en fait, où il fallait C'était tirer dans des avions. quoi du Game & Watch sur Oui, montre? c'était du Game & Watch. Hein. Ouais, c'était du type Game & Watch, mais un petit peu plus évolué quand même que Game & Watch. C'était un petit peu au-dessus. Hein. Ah bon? Ouais. Ah, Un j'ai petit peu plus aucun au-dessus, ouais. souvenir. Ouais. Et donc, voilà, on l'a ramené 3-4 fois la montre. On a eu un échange chaque fois. Et puis, au bout d'un moment, bon, mes parents, on a eu ras-le-bol. Donc, on s'est fait rembourser par Continent. Bah moi j'avais le Scooby-Doo aussi. Ah, le Mais c'était Scooby-Doo. plus le truc de ma sœur, mais c'est Ouais. clair qu'enfant, on a tous fait des Scooby-Doo qui étaient bah, justement pendus. Enfin, si t'avais pas de chance, si tes parents l'accrochaient à ton sac US, donc t'étais la risée de ton école parce que c'était évidemment le cas de couleur, tu vois. Oui. Mais sinon, moi je m'en souviens d'en avoir fait quelques-uns. D'accord. Bon, enfin, en tout cas, c'est vraiment plein de bons souvenirs. Mais maintenant, je vous propose de parler de souvenirs plus douloureux. Alors, je m'entends, hein, plus douloureux que la prise Péritel, qui était déjà assez Ah, douloureuse. c'est pas mal quand Ah même, oui, non, hein. c'est pas mal. Mais là, du pire, avec des objets du quotidien qui sont parfois dans les catégories qu'on a citées précédemment, mais qui nécessitaient vraiment une véritable mise en lumière. Donc, on va passer aux pires objets du quotidien. Bah oui, alors moi je vais te parler, alors c'est peut-être pas un objet 80s, hein, mais moi je vais te parler du fameux thermomètre savoyard. Ah, non, c'est pas itis, c'est intemporel. C'est intemporel, c'est un truc, c'est figé dans le temps, tu sais. Et c'est le truc bah, les gens t'offraient tous quand ils revenaient du ski. Ah oui. Et c'était laid, quoi. Enfin, c'était d'une laideur Ah oui. absolue, surtout qu'en plus à l'époque, les thermomètres étaient au mercure. Donc c'était pas terrible, terrible au niveau écologie et santé, mais c'était surtout bah, le fameux chalet, puis avec une petite photo qui allait au-dessus quand tu avais le modèle haut de gamme. Et puis bah, le thermomètre qui était sur la gauche. C'était vraiment un objet en bois. Enfin. En parlant de chalet, il y avait également une tirelire en chalet avec un petit oiseau en polystyrène. Moi, j'en ai eu Non, une. ça ne part pas, non. Ah, moi j'en ai eu une, j'adorais en fait cette petite tirelire parce que finalement je jouais avec mes Lego, avec mes Playmobil, je l'utilisais comme une petite maison. Alors il pouvait pas rentrer dedans parce qu'en fait c'était complètement clos, à part l'ouverture en dessous pour récupérer l'argent et puis la petite fente sur le toit. Mais c'était très moche également. Ah, puis on avait le vêtement du diable, le fameux Kawaii. Parce que alors là, celui-ci, c'est l'objet qui a été pratiquement le plus cité Oui, c'est vrai. quand on a fait un petit appel. On a Mopral, Genma, Butcher et d'autres qui nous ont vraiment dit: ah, le Kawaii, c'est l'objet du mal, quoi. C'est vraiment, là je pense tout de suite au sketch de Danny Boone qui reflète tout, qui était vraiment un objet. Parce que moi, c'est pas, pour moi, c'est pas un vêtement, c'est un objet, hein. Écoute, bon, après, quand on était enfant, on aimait bien l'objet parce que quand on le remettait en boule, je sais pas toi, mais on s'amusait à jouer les schtroumpfs parce que ça faisait la petite queue des schtroumpfs, tu sais. Ah non, j'ai non, Et j'ai ben nous, pas. on jouait aux schtroumpfs. Bon, enfin voilà, on faisait ce qu'on avait, tu sais. Oui, bah oui, je vois bien, oui, tu t'amusais bien. À l'époque, mon cher ami, on se satisfaisait de rien. Aujourd'hui, les enfants, ils ont la tablette, ils ont tout. Et en plus, ils s'ennuient. Ils ne savent plus s'occuper l'esprit. Et pourtant, ils auraient pu s'occuper en faisant du canevas. Ouh là là, du canevas. Mais du beau canevas, la scène de chasse, Ah, attends, j'ai envie de te dire, la fameuse scène de chasse. J'ai de la famille en Normandie, toutes les maisons normandes, il y a cette scène de chasse, avec les canards et tout, Alors, moi aussi, j'ai de la famille en Normandie, du coup, et il y a en effet aussi des canevas. Mais il n'y a pas qu'en Normandie qu'il y a des canevas Mais tu sais que le encadrés avec des canevas, scènes c'est de pas que chasse. vilain, hein, parce que tu fais du pixel art en canevas, il y a des trucs Oui, sympas, hein, qui c'est peuvent pas se que faire. vilain, ça peut être aussi très vilain. Mais d'une manière générale, tu sens la poussière sur le truc parce que, Ah, bah oui. hein, Et puis les pardon. couleurs sont un peu passées parce que ça fait 30 ans que c'est accroché au mur, hein. C'est Moi, je le ça. vois bien, hein, chez mes patients, là. On voit rien. Enfin, il y en a partout. Il y en a parfois partout. Alors, j'aime bien discuter avec eux de ces canevas. C'est très rigolo. Ah, bah, on a passé 3 mois à faire, hein, ce canevas. Vous savez, c'était très long. C'est très rigolo de les entendre parler de ça parce que c'est vraiment très laid. Mais moi, ça m'amuse de voir tous ces canevas. Alors, donc, j'ai parlé des scènes de chasse. Il y a des couchers de soleil aussi. Évidemment. Et il y a surtout aussi. Et ça, on le voit assez souvent, des femmes à poil. Enfin, alors ce qui était pas mal aussi, et là, alors on n'en trouve plus. Ouf. Mais par contre, mes parents avaient ça. C'est le porte-téléphone attente musicale. Ah, Je sais pas si tu connais ça. non, je vois pas ce que c'est. Alors, c'est un objet sur lequel en fait on posait le combiné téléphonique. Lorsque par exemple le téléphone sonne, tu décroches. Allô, je voudrais parler à un tel. Ah, ben ne quitte pas, je vais le chercher. Tu poses des... Oui, parce que le téléphone était à fil, forcément. Donc tu poses le combiné sur cette superbe attente musicale et en fait ça pressait un bouton poussoir qui te faisait une belle musique, soit Chopin, soit Beethoven, soit Mozart, hein, bien sûr. Une belle musique très très nasillarde pendant que tu allais chercher la personne qui était demandée. Et lorsque la personne demandée arrivait au téléphone, elle reprenait le combiné. Ça s'arrêtait automatiquement puisque le bouton poussoir n'était plus pressé avec le combiné. Et hop, tu pouvais continuer la conversation. C'était pour faire Formidable. patienter la personne qui était au bout du fil. Voilà. Oh, formidable. Ah non, ça ne me dit absolument rien. Alors là, on va clôturer par l'objet du diable, parmi l'objet du diable, la fameuse cagoule. Parce que c'est vraiment. Alors là, on a vraiment Ah Charlotte oui. au poire, on a Krakoukas, enfin, il y en a vraiment. Il y a Porda aussi, je crois, de Gamerside qui nous en On a parlé. a Yetcha aussi. On a Yetcha, on a Mikado, on a toute la team. Enfin, on a. Alors là, c'est l'objet. Pourquoi? Parce que c'était pratique, hein. Quand on y Ah bah réfléchit bien bien, sûr que c'est pratique. moi maintenant, je parle Ultra pratique. de ma position de papa. Je reconnais que l'objet est pratique. Mais à Bah bien l'époque, je sûr. sais pas, c'était pas pratique pour nous enfants. C'était moche, ça grattait. Y a rien à dire. C'était l'objet du mal. Je sais pas quoi te dire. Si tu veux ajouter d'autres choses. Non, je crois qu'on va arrêter le massacre et on va passer à la conclusion de ce petit Absolument. cadeau-bonus. J'ai envie de te dire, fous ta cagoule, quoi, tu vois. Et alors, pour cette conclusion, justement, on a demandé quel était l'objet fétiche de chacun des membres de la A-Team. Bah, on a Nico qui nous cite la colle Cléopâtre. Je te Ah cache oui. pas que j'y ai pensé, parce que pour moi, c'est vraiment un objet 80s, parce qu'elle était fabriquée à deux pas de chez lui, et Ah que oui? l'objet, oui, à Savonnières. Bon, je ne savais D'accord. pas, voilà, c'est vers Tours, je pense, vu qu'il habite par là-bas, et que Elle existe l'objet, encore d'ailleurs, cette colle, absolument. hein. Ah oui, mais c'est plus la Oui. même, hein. J'en Ah, ai c'est plus la racheté même? pour. Je sais pas, c'est pas pareil. Ça sent plus l'amande? Un petit peu quand même. Ah, quand même. Mais en fait, elle est pas pratique du tout, je trouve, cette colle, au final. Parce que. C'était quand même le pinceau était dans l'idée, c'était malin parce que le pinceau qui était plat, était intégré sur le couvercle au pot. Évidemment, il nous cite sa fameuse odeur d'amande et il demande si parmi nous, quelqu'un l'a goûté. Et j'ai envie de te dire, oui, on a un auditeur qui l'a goûté. Exactement, JP. Mon copain JP qui, de sa propre expérience, hein, c'est ses propos, c'est ses dires, a le goût du docteur Pepper. Donc, je ne sais pas, JP, si tu nous écoutes, j'ai envie de te dire... Chapeau l'artiste. Moi, je ne sais pas quel goût ça a, le Dr Pepper, alors je pourrais pas dire. Moi non plus. Je crois que tu allais rebondir, je n'ai jamais bu non plus. Eh bien non. Mais en tout cas, pour Wiz, l'objet culte du quotidien, c'est la cassette... Le vinyle, non ? Ah, le cassette. Non, oh, j'étais pas loin. C'est la cassette audio vierge. Ah. C'est son objet fétiche par excellence, parce que très vite, il raconte que très vite, sa famille s'est rendu compte qu'en lui achetant une ou deux cassettes, ça lui faisait plus de plaisir que de lui acheter un jouet, parce que la cassette vierge, pour lui, ça exprimait, c'était la liberté, il enregistrait la radio, ou alors lui-même avec un micro en train de raconter des bêtises. Ouais, moi, je le rejoins complètement, hein, parce que moi, à l'époque, on ne se posait pas de questions sur la qualité d'enregistrement ou sonore, etc. Moi, j'avais un vieux lecteur enregistreur, j'enregistrais directement sur l'enceinte les trucs. Ah oui, ouais, bah moi aussi. Passer à la radio ou tu vois les trucs comme ça. Oui. Moi j'ai fait ça et je me suis enregistré aussi avec un micro en train de raconter les conneries. J'ai réécouté une cassette il y a quelques temps. J'étais avec ma sœur, je devais avoir une dizaine d'années à peine. Et ça faut numériser ça. On était en train de faire des imitations façon Bébécho. Toi, j'imitais Chirac, Gric, et puis tout ça. Je ne sais pas si je dois le dire, on verra si on coupe ou pas, mais il y a quelques années, j'ai retrouvé une cassette avec un copain où on faisait l'alphabet, mais... En rotant. C'est un grand classique. Bon, on l'a tous fait, ça me rassure. J'ai jamais été très très fort en rot, moi, donc... Ah, mais moi j'ai du niveau, mais on n'en parlera pas. D'accord. Ça. Et sinon, on a Sienf, lui, qui nous cite directement le couteau électrique. Ah, on n'était pas loin. Alors, de là. Paradoxalement, il en avait horreur parce que, il faut, comme il le répète régulièrement, c'est un fils de boucher que pour lui, c'était une hérésie de couper le rôti au couteau électrique. Ah oui. Et moi, je le rejoins complètement. Parce que j'ai revu des petites pubs pour préparer l'émission, 84 ans, le Moulinex, et je trouve une hérésie, c'est là je parle entre guillemets, ça fait pas taulier machin, mais en chef de famille, c'est un plaisir de couper la viande, tu sais, devant tes convives, devant tes proches. Le couteau électrique, c'était vraiment le tout assisté d'époque, ouais. Et je trouve que c'est une des pires inventions des 80s, titre personnel, hein. Électrique Moulinex, 74 francs seulement. Il reste encore des membres de la A-Team et notamment Spades. Oui. Alors Spades, mais également certains auditeurs nous ont parlé de ça, des auditeurs comme les gens de What the Duck ou alors Faye, et j'ai nommé le manche-disque. Ah, le fameux manche-disque. Et le fameux manche-disque. Alors, ouais. Spades raconte que dans les après-midi de son enfance, il passait à jouer avec les copains en bas de l'immeuble où il habitait, et c'est les grands qui gardaient un œil sur les plus jeunes, et ils mettaient pendant ce temps-là des 45 tours dans leur manche-disque. Alors du coup, il raconte que c'était une cacophonie pas possible, et voilà, donc c'est lié à ça, à des jeux avec des copains en bas d'immeuble, donc ça c'est vraiment Le rejoins complètement. Quand tu m'as demandé de Mikado, quel est ton objet culte, j'ai pensé tout de suite à ce fameux manche-disque orange. Ah oui, aussi, ça. Ah, le orange, oui. Le orange. Je crois que la marque, c'est Penny, je risque de dire une ânerie, qui n'acceptait que les 45 tours, parce que c'était vraiment le manche-disque, il portait bien son nom, hein, dessus. Tout était intégré, et c'est un objet que j'aimerais vraiment retrouver, qui est vraiment très très très difficile à trouver aujourd'hui, ou alors pour des sommes folles. Pour moi, c'est l'objet... culte des 80s, vraiment. Parce que, évidemment, pourquoi ? C'était presque du marketing, parce que qu'est-ce que tu écoutais en 45 tours ? Tous les génériques de tes dessins animés. Ah ben, bien sûr. Enfin, me concernant, enfin, je trouve que ce support, limite, était vendu avec un lot de génériques de la télé. Mais c'était... le son était extrêmement épouvantable, mais t'avais ton manche-disque. En plus, les parents étaient contents parce que pendant que t'étais avec ton manche-disque, vu que tu poussais le 45 tours pour le mettre dans le lecteur, il n'y avait pas de problème de braque de la plate du lecteur CD à manipuler. Donc, ils étaient rassurés. Et surtout, pendant ce temps-là, tu touchais pas la platine de papa. Pump up the volume, pump up the volume. Le cadeau bonus se touche à sa fin. Hein. On a parlé de pas mal de choses. J'espère que vous avez aimé ce petit retour vers le passé, ainsi que des nombreux objets dont on a parlé. J'espère qu'ils vous ont évoqué des souvenirs. Alors, vous pouvez venir en parler sur le site 80slepodcast.fr, sur Twitter, sur Facebook, à 80slepodcast. Je remercie tous nos auditeurs qui nous ont suggéré quelques-uns de leurs objets quotidiens fétiches. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Salut à tous. Salut à toi, Michael O'Twix. Salut à tous, merci, bye bye. Dans la vie en accéléré, l'action s'est gagnée, et partout dans le vent et la pluie, c'est le héros jour et nuit, dans la ville et pour tous les fous, et là sur tous les coups, dans la vie en accéléré. I'm not sure.